dites-moi des choses étonnes. Pas très beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Ouvrez-vous toujours, vous répétissez mon suprême. Je vous aime. Vous avez bien, quand on les franche, je n'en crois rien. Cependant, j'ai vous encore. Écoutez sous mon cou, j'adore. Votre vie en son caresson. Qu'il est mieux, mes renfrais, mes sons. Le béson de ces belles histoires. Amadre, moi, je vous ai croire. Parlez-moi d'amour. Redites-moi de chants et tours. Pas très beau discours. Mon cœur n'est pas là d'un entendre. Ouvrez-vous toujours, vous répétissez mon suprême. Je vous aime. Il est si doux, mon chatrozon, d'autres pour vous. Les vieilles perdent trois par mer. Sirons n'a pas poiseau chimère. Le chagrin est va te poser. Tous ceux qu'en sont les tabasés. Tout car on gore le plaisir, pas le c'est moi qui le rasure. Parlez-moi d'amour, redites-moi de chants et tours. Pas très beau et discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Ouvrez-vous toujours, vous répétissez mon souffle. Je vous aime.